Deuxième partie, chapitre 2, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Deuxième partie, chapitre 2. Courte méthode pour bien méditer est premièrement de la présence de Dieu, laquelle fait le premier point de la préparation. Mais, Philothée, vous ne savez peut-être pas faire l'oraison, car malheureusement, c'est une science peu connue à notre siècle. Il faut donc qu'un peu de règles. Je vous en dresse ici une méthode en attendant que les bons livres et principalement l'usage vous instruisent à fond. La première règle regarde la préparation, et je la réduis à ces trois points. Se mettre en la présence de Dieu. Lui demander le secours de ses lumières et de ses inspirations. Se proposer le mystère que l'on veut méditer. À l'égard de vous mettre à la présence de Dieu, je vous propose quatre moyens principaux dont vous pouvez aider votre nouvelle ardeur. Le premier consiste dans une vive et attentive idée de l'immensité de Dieu, qui est très universellement et très réellement présent à toutes choses et en tout lieu. De manière que, comme les oiseaux en quelques régions qu'ils volent, trouvent l'air partout. Ainsi, quelque part où nous allions, où nous soyons, nous trouvons toujours Dieu très présent à nous-mêmes et à toutes choses. Cette vérité est assez connue à tout le monde, mais chacun n'y fait pas l'attention nécessaire. Les aveugles qui savent qu'ils sont en la présence d'un prince se tiennent dans le respect, quoiqu'ils ne voient pas. Mais, parce qu'ils ne le voient pas, ils perdent décemment l'idée de sa présence. Et l'ayant une fois perdu, ils perdent encore plus facilement le respect qui lui est dû. Hélas, Philothée, nous ne voyons pas Dieu qui nous est présent. Et quoique la foi et notre raison nous avertissent de sa présence, nous en perdons bientôt l'idée. Et alors, nous nous comportons comme s'il était fort éloigné de nous. Car bien que nous sachions qu'il est présent à toutes choses, le défaut d'attention à sa présence nous met au même état que si nous l'ignorions. C'est pourquoi nous devons toujours disposer notre âme à l'oraison, par une profonde réflexion sur la présence de Dieu. David en avait l'esprit vivement frappé quand il disait « Si je monte au ciel, ô mon Dieu, vous y êtes, et si je descends en enfer, vous y êtes aussi. » Ainsi servons-nous des paroles de Jacob, qui, après avoir vu l'échelle mystérieuse dont je vous ai parlé, s'écria « Oh, que ce lieu est redoutable! Véritablement, Dieu est ici, et je n'en savais rien. » Il voulait dire qu'il n'y avait pas fait de réflexion, car il ne pouvait ignorer que Dieu ne fût partout. Et donc, Philothée, quand vous vous présenterez à l'oraison, dites de tout votre cœur à votre cœur même « Oh mon cœur !» Dieu est véritablement ici. La seconde manière de se mettre en la présence de Dieu est de penser que non seulement il est où vous êtes, mais qu'il est en vous-même, au fond de votre âme, qu'il la vivifie, l'anime et la soutient par sa divine présence. Car comme l'âme qui est présente à tous les corps, réside néanmoins dans le cœur d'une manière de présence plus spéciale. De même, Dieu qui est présent à toutes choses l'est beaucoup plus à notre âme, dont l'on peut dire en un bon sens qui est l'âme lui-même. C'est pour cela que David appelait Dieu le Dieu de son cœur. C'est ce que saint Paul entend quand il dit que nous vivons, nous mouvons et nous sommes en Dieu. C'est aussi cette pensée qui excitera en votre cœur cette profonde vénération pour Dieu qui lui est si intimement présent. Le troisième moyen dont vous pouvez vous aider est de considérer que le Fils de Dieu, en son humanité, regarde du ciel tout ce qu'il y a de personnes au monde, mais particulièrement les chrétiens qui sont ses enfants, et encore plus spécialement ceux qui sont actuellement en prière, et dans qui il observe le bon et le méchant usage qu'ils en font. Or, ce que je vous dis là n'est pas une simple imagination, mais un fait très réel. Car bien que nous ne le voyons pas comme Saint Étienne le vit dans son martyre, cependant, il a les yeux attachés sur nous, comme il les avait sur lui. Et nous pouvons lui dire quelque chose de semblable à ce que l'épouse de Cantique dit de son époux. Il est là, le voilà lui-même. Il n'est pas caché, et je ne puis le voir, mais il me voit et il me regarde. La quatrième manière consiste à s'imaginer que Jésus-Christ est dans le même lieu où nous sommes, comme si nous le voyions devant nous, et à peu près comme nous avons coutume de nous présenter nos amis et de dire « Je m'imagine de voir un tel qui fait ceci et cela. Il me semble que je le vois, que je l'entends. » Mais Philothée, si vous étiez devant le très saint sacrement de l'autel, cette présence de Jésus-Christ dans l'Église avec vous serait très réelle et non pas seulement imaginaire, car les espèces ou les apparences de pain sont comme un voile qui les cache à nos yeux. Et véritablement, il nous voit et nous considère, quoique nous ne le voyons pas en sa propre forme. Vous vous servirez donc de l'une de ces quatre pratiques pour vous mettre en la présence de Dieu, et non pas de toutes les quatre ensemble. Et cela même se doit faire brièvement et simplement. Fin de chapitre 2, deuxième partie.